And now here's the second dialogue. Numéro 2. Bonsoir, madame. Je m'appelle Daudet. Sophie Daudet. Madame Daudet. Ah oui, de New York, n'est-ce pas? C'est ça. Bienvenue à Paris, madame. Vous avez une chambre pour moi? Oui, madame. Une chambre simple avec salle de bain pour deux nuits, n'est-ce pas? Non, monsieur. Une chambre avec salle de bain pour deux personnes pour une nuit. Oui, madame. Pardon.